الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لقد وصلنا إلى الوجه 57 من كتابنا العلم فضله وشرفه. العلماء هم الأئمة. Donc nous sommes arrivés بفضل الله au 47e point. Nous sommes arrivés au 47e point dont l'intitulé du point est les savants sont les imams. Les savants sont les imams. أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويتم بهم من بعدهم فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé que les gens de science sont eux, les savants, à travers lesquels il guide de sa part, de son ordre, et qu'il les a rendus ou qu'il les a placés comme imams après lui, c'est-à-dire pour cela. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Sajda, verset 24, nous avons fait, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait deux, donc nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. Surat Sajda, verset 24. D'accord. وَقَالَ فِي مَوْدِعٍ آخَرَ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سورة الفرقان verset 74. Il dit dans سورة الفرقان verset 74 أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا. وأخبر سبحانه أن الصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Furqan, verset 74, et qui disent, Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux, Surat al-Furqan, verset 74. C'est-à-dire, fais de nous donc des imams à travers lesquels, donc à travers nous, les gens vont être guidés après nous. Donc laisse-nous, en fin de compte, comme preuve pour les gens qui vont venir après nous. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, que par la patience et la certitude, l'imam dans la religion viendra. Donc il faut, donc ces deux conditions, il faut sabr, la patience, et yaqin, la certitude, afin que cette direction vienne dans la religion. Et bien sûr, c'est le plus haut des degrés que puisse obtenir le véridique. Wal yaqin huwa kamalul ilmi wa ghayatuhu. Et l'yaqin, la certitude, c'est la science complète et c'est son but. فَبِتَكْمِيلِ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ تَحْصُلُ إِمَامَةُ الدِّينِ. Et lorsque ce niveau ou ce degré est complété, c'est-à-dire celui de la science, l'imama dans la religion viendra. وَهِيَ وِلَايَةٌ آلَةُ الْعِلْمِ. Et cette wilaya, Donc cette façon de gouverner, ou bien c'est le fait de posséder donc son arme ou son outil plutôt. Nam. Donc son outil, c'est la science. Son outil, c'est la science. Yartassullahu biha man yasha'u min ibadihi. Et Allah choisit avec cela qui il veut parmi ses serviteurs. Al-wajhu al-thamin wal-khimsoun. 58e point, le besoin des serviteurs de la science. Le besoin des serviteurs de la science. أن حاجة العباد هي العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء. Certes, le besoin de la science pour le serviteur est quelque chose, donc c'est quelque chose qui est primordial et important et obligatoire, et ce besoin est tout-dessus du besoin que le corps a besoin de nourriture. Hein? Et donc il est au-dessus de la nourriture pour le corps. لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين. Car le corps a besoin de nourriture une ou deux fois par jour. Et le besoin de science pour la personne est autant demandé que le nombre de respirations que l'on fait. Et anna kulla nafsin min anfasihi. أو كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لإيمان أو حكمة. Car chaque nefs, chaque corps, chaque âme a besoin pour, donc lorsqu'il respire, a besoin de cela, a besoin que tout le temps, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, il aura besoin toujours d'être accompagné de foi ou de sagesse. فإن فارقه الإيمان أو الحكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب قرب هلاكه وليس حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. Donc si cette personne sera séparée de cette foi ou de cette science, ne serait-ce que le moment, hein, ne serait-ce que l'écart ou la période d'un moment de respiration, il risquerait d'être perdu, il risquerait d'être dans la perdition. Et cette perdition, donc elle ne sera pas, elle n'a pas de voie ou de chemin que, afin de ne pas être perdue, hein, donc la personne ne sera pas perdue, ne pourra pas obtenir cette science, et c'est-à-dire cette foi et cette sagesse, donc qui est la science, que par le biais de la science, que par le biais de la science. Donc, c'est une preuve que le besoin de cette science est bien sûr au-dessus du besoin de la nourriture et de la boisson. وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو مرتين فالعلم يحتاج إليه في كل وقت. Et on retrouve donc une parole donc qui est directement prononcée par l'imam Ahmed à ce sujet. Et il dit, rahmatullah alayhi, les gens ont plus besoin de la science que de la nourriture et de la boisson. Car la nourriture et la boisson, on en a besoin dans le jour une ou deux fois. Et la science, on en a besoin en tout moment. On a besoin de cette science à tout moment. Et le wajhu tasi'u wal khamsoun. 59e point. Al-ilmu qillatu amalin wa kithratu ajrin. La science, donc, est peu d'actes. La science, donc, lorsqu'on veut obtenir la science, c'est peu d'actes, mais beaucoup de récompenses. أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا. Car celui qui a de la science donc se fatiguera moins justement dans l'acte et aura plus de récompense, dans le sens où la personne va lire, elle va retenir, elle va patienter, elle va s'asseoir, elle va lire, elle va patienter. On sait que ça, il va peut-être moins se fatiguer que si une personne partait faire le hajj ou autre adoration. À ce moment-là, il y aura plus de fatigue physique. Et pourtant, on retrouve dans cette science donc beaucoup de récompenses. وَاعْتَبِرْ هَذَا بِالشَّاهِدِ فَإِنَّ الصُّنَّاعَ وَالْأُجَرَ يُعَانُونَ الْأَعْمَالَ الشَّاقَةَ بِأَنفُسِهِمْ وَالْأُسْتَاذُ الْمُعَلِّمُ يَجْلِسُ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ وَيُرِيهِمْ كَيْفَ الْعَمَلِ وَيَأْخُذُ أَضْعَافَ مَا يَأْخُذُونَهُ. Et il donne un exemple par rapport à ceux qui construisent des choses. Hein? Donc, ils se fatiguent, donc ils vont se fatiguer pour construire ce qu'ils ont à faire. Et le professeur, celui qui leur enseigne comment, imaginez-vous un peu, si on pouvait donner l'exemple d'un menuisier par exemple, donc le professeur va leur expliquer comment faire, il va leur apprendre les techniques tout en leur expliquant avec la parole. Et eux, ils vont œuvrer, et donc il va leur donner, il va leur interdire ça, il va leur montrer comment on fait, il va leur montrer comment on va pratiquer cette chose-là, ces ustensiles, et il va pourtant prendre, bien sûr, plus que eux. Il va prendre plus que eux. Donc ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que celui qui enseigne, donc, va montrer aux gens comment ils vont œuvrer, et pourtant lui va prendre plus de hasanat. Parce que déjà, il y aura les hasanat de fait qu'il va guider les gens, et il y aura les mêmes hasanat que eux lorsque ces gens-là vont faire l'œuvre. Hein, parce qu'on sait que lorsque tu montres à quelqu'un la bonne voie, tu as la récompense de ce qu'il œuvre. Quand, hein, sans que quoi que ce soit lui ait diminué à lui, à l'autre. Et pourtant, toi, tu as aussi notre récompense, c'est celle non seulement d'avoir appris ça, et d'avoir aussi donné. Donc tu as plus de récompense que celui qui a œuvré, alors que tu l'as montré ce chemin-là. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a montré cela dans le sens où il dit le meilleur acte c'est la foi en Allah puis la jihad. Donc ça s'appelle bien sûr celle qui est fisabilillah ou bien ça s'appelle tous les efforts prononcés. Il a commencé iman billah. Il n'y a pas d'iman sans ilm. On a vu auparavant que Ibn al-Qayyim rahmahullah, lorsqu'il parle de l'iman, il parle du ilm. Parce qu'il n'y a pas d'iman sans ilm, ce n'est pas possible. Et après, il dit ثم الجهاد. فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة. Car ce jihad est quoi? Est le fait de donc, fatiguer son corps, le fait de donner son corps de la façon la plus difficile. Donc, les gens ne vont pas dormir, ils doivent voyager beaucoup, ils vont se retrouver dans le froid. Et là, khiri. والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه. Car la foi, c'est la science qu'il y a dans le cœur, son acte et le fait de le rendre véridique, le fait de le reconnaître comme véridique. وهو أفضل الأعمال. Et c'est le meilleur des actes. مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة. Et en plus, alors que la difficulté de la jihad est au-dessus de la difficulté de cette foi, hein, bien sûr, donc par nombre. Par multiplication énorme. وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها. Car la science va faire connaître donc les niveaux des actes, dans le sens où tel acte est sunna, tel acte est wajib, tel acte a telle récompense et en même temps sa maratib, c'est-à-dire ses degrés. فاضلها من مفضولها. Ce qui est son meilleur. Hein, c'est-à-dire ceux qui sont meilleurs par rapport à d'autres. Donc il y a des actes qui sont meilleurs que d'autres. Mathalan, faire Ramadan, la journée. Donc par exemple, on va dire que c'est mieux de jeûner que de prier. C'est un exemple. On parle dans la journée de Ramadan. Mathalan, hein, il y aura donc le Hajj. Pendant le moment du Hajj, il est plus important que d'autres adorations. Donc il y a un fadl ou un mafdoul. Il y a des prières surrogatoires qui seront meilleures que la lecture du Coran en ce moment-là. Il y aura des moments où la lecture du Coran sera meilleure que la prière en ce moment-là. Donc il y a un fadl avec le mafdoul par rapport au moment et par rapport. Hein, il y a un livre par rapport à ça, donc, de Cheikh Ibrahim al-Ruhaili qui a expliqué, donc en prenant des qawaïd de Cheikh Ibn Taymiyyah par rapport aux a'mal qui sont fadl et mafdoul. والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة هي كثرة المشقة. Et celui qui œuvre sans science va croire et va penser que donc, ce qui est bien, c'est le fait de œuvrer en se fatiguant. Il y a des gens qui vont croire que c'est la fatigue. Ils vont se dire, je vais au Hajj, je vais me fatiguer. Là, je n'arrive pas à marcher. Je suis une personne âgée, je n'arrive pas à marcher. J'ai le droit d'utiliser donc, la chaise roulante. On va me pousser pour faire tawaf, mathalan. Non, je vais marcher parce que je veux vraiment me fatiguer. Mais il est possible qu'après ce tawaf, la personne n'a plus rien. Et ça arrive souvent. Surtout le jour de l'Aïd. Après le tawaf, qui est souvent fait donc, sur le toit du haram, et on sait que c'est long, donc cette tour c'est super long parce qu'en bas on n'arrivera pas à le faire, on ne pourra pas le faire de toute façon avec la chaise. On va le faire en haut, la personne le fait et arrivée après elle n'a plus de force. Elle ne sait plus faire sa'i, elle ne sait plus faire les autres jours où elle va faire Ramil Jamarat. Donc si elle avait profité de cette rursa, de cette permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'elle puisse continuer ce hajj tranquillement, non. Elle va se fatiguer et après elle ne sait plus rien faire. Donc ça ne sert à rien de croire qu'il faut donner pour qu'après, en fin de compte, à la suite, tu ne puisses plus rien faire. Et la personne qui n'a pas de science va croire cela, qu'il faut se fatiguer pour être fortement récompensé. Il va se fatiguer, alors que même ce qui il va peut-être se fatiguer sur ce qui n'est quoi? Qui n'est pas le meilleur des choses, qui n'est pas la meilleure des choses. Le tawaf, c'est important. Et qu'une terminer le hajj complètement, par soi-même, c'est encore plus important. Plutôt qu'après de s'asseoir, et tu ne peux pas faire ramil jamalat, donc tu fais quoi? Tu dis à quelqu'un de le faire à ta place, mathalan. Et il est possible qu'il y ait des actes qui sont meilleurs que d'actes, hein, et que d'autres actes qui seront plus fatigants. Il y a des actes où il y aura plus de hasanat et les autres actes, quoi, il y a moins de hasanat et pourtant ils sont quoi, plus fatigants. واعتبر هذا بحال صديق رضي الله عنه فإنه أفضل الأمة ومعلوم أن فيهم من هو أغفل عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه قال أبو بكر ابن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصوم ولا الصلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. Vous avez l'exemple, donc on peut méditer sur la situation d'Abou Bakr al-Siddiq, qui est le meilleur, qui est la meilleure personne de cette communauté, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la meilleure personne, c'est-à-dire des croyants, le meilleur des croyants, sans parler bien sûr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est connu que parmi donc les personnes, parmi les musulmans, il y a des gens qui ont fait plus d'œuvres que lui, qui ont fait plus de hajj que lui, qui ont fait plus de jeûnes que lui, plus de prières que lui, plus de lectures que lui. Et comme dit Abou Bakr ibn Ayyash, rahimallah, Abou Bakr Siddiq ne vous a pas devancé par plus de jeûne ou plus de prière, mais il vous a devancé par quelque chose qui est ancré dans son cœur. Par quelque chose qui est ancré dans ce cœur. Et ça, donc par rapport à cette. Donc il y a un mathal, il y a un exemple qui est cité, qui est connu. Menni bimithli sharika al-mudallali tamshi ruwaydan wa taji fil awwali. Donc, 60e point, la science est l'imam de l'acte. La science, c'est lui qui va propulser, c'est le moteur de l'acte, c'est son imam. Anna al-ilma imam al-amal, wa qa'idun lahu, wa al-amal tabi'un lahu, wa mutta'mun bihi. Fa kullu amalin la yakunu khalf al-ilmi muqtadiyan bihi, fa huwa ghayru nafi'in li-sahibihi. Donc, la science est le guide, c'est son conducteur, c'est le guide et le conducteur de l'acte. Et l'acte est celui qui suit, donc c'est celui qui va suivre, c'est celui qui suit la science. Et chaque œuvre qui n'est pas derrière, donc c'est un peu le ilm, c'est considéré comme l'imam dans la prière. Là lorsqu'on voit les mots utilisés par Ibn Qayyim rahimahullah, on s'imagine avec un imam pendant la prière et ceux qui le suivent, les prieurs, ceux qui vont prier derrière l'imam. Donc il dit, donc lui il voit que l'imam, il compare l'imam à quoi? À la science. Et ceux qui sont derrière lui, ce sont les actes. Donc il les compare à ces œuvres là. La science c'est l'imam, et ceux qui sont derrière l'imam, ceux qui prient avec l'imam, les priants, sont les actes. Donc elle dit, chaque acte qui n'est pas derrière la science, qui va le guider, donc son acte, justement, cet acte, c'est-à-dire, ne sera pas profitable pour celui qui l'œuvre. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Voire même, ça serait un mal pour lui. Ça va lui causer du tort. Et certains plus prédécesseurs, les salafs, ils disaient, celui qui adore Allah sans science va, donc, œuvre, ça va, c'est-à-dire, mal œuvré, on va faire du tort, va causer du tort plus qu'il va arranger les choses. Il va causer du tort plus qu'il va arranger les choses. Donc, yufsid, afamima yuslih. Normalement, il doit arranger. Lui, non, il va causer du mal. Mathalan, il n'y a pas de science et il veut recommander le bien, réprouver le mal. Mathalan, il ne sait pas comment il va le reprouver. Il va recommander le bien, il va réprouver le mal. À ce moment-là, il va peut-être venir, il va être trop dur par rapport à la chose qu'il faut. Ou bien peut-être pas assez dur par rapport à la chose qu'il faut. Ou bien il va le faire 2 ans après. Mais à quelqu'un, il a commis un mal. Et c'est possible que ce mal-là, cette personne a fait Tawba 1000 fois. Il a déjà fait Tawba. Donc il n'y a plus besoin de revenir dessus. À partir du moment qu'il y a Tawba, il n'y a plus de péché. On ne revient pas dessus. Donc on n'attend pas des années après. On va selon, bien sûr, le sujet, selon eux, c'est-à-dire le besoin du mal curé. Mais ça, c'est un exemple. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود. Et les actes seront donc bien sûr ils vont être différents. Les actes vont être différents selon. Donc les actes commis sont différents. Est-ce qu'ils sont acceptés ou est-ce qu'ils sont rejetés? Ils vont être acceptés s'ils ont bien sûr été en concordance avec la science. Et s'ils ont été en divergence avec la science, ils seront bien sûr rejetés. Donc l'acte qui est en concordance avec la science, c'est celui qui est accepté. Et l'acte qui est bien sûr en divergence avec la science sera rejeté. C'est donc bien sûr, hein, donc cette science, c'est quoi? C'est le mizan, c'est la balance, c'est la science qui va... Donc, dire est-ce que cet acte est juste ou pas. Le mizan, donc la science, c'est lui qui va juger. Ce sera lui qui va être jugé par rapport à cette science. Et elle dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-mulk, donc dans la surat la royauté, surat verset 2, « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. » Qala al-Fudayl ibn Iyad, « Huwa akhlasu al-amal wa aswabuhu, qalu ya Aba Ali » ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. Donc on le dit سبحانه وتعالى, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est le plus puissant, le pardonneur. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qui de vous est le meilleur en œuvre. Le meilleur. Il n'a pas dit le plus nombreux. Le meilleur en œuvre. L'œuvre d'Abu Bakr al-Siddiq, elle est peut-être moins nombreuse. Moins nombreuse que celle de beaucoup de ceux qui sont venus après. Hatta chez les tabi'in et atba al-tabi'in. Hatta chez les salaf. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Le fait que lui a plus de foi. Le fait que lui, ce qu'il faisait, c'était donc meilleur. Regardez, pourtant, parce qu'il le faisait de façon meilleure, il a été le meilleur personne de cette communauté. Alors il n'a pas dit Akhtar, il a dit Ahsan. Et il dit Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Donc c'est celui qui est donc c'est l'œuvre qui est le plus pur, hein, et le plus juste. Celui qui va être en concordance, qui va être exactement en concordance avec la Sunna. Et ils disent, ô père de Ali, qu'est-ce que le plus pur et qu'est-ce que le plus juste, hein, Aswabahu, c'est-à-dire le plus juste. Il dit, certes, l'acte, lorsqu'il est pur et qu'il n'est pas juste, c'est-à-dire qu'il n'a pas été conforme à la sunna du prophète Sam, il n'est pas accepté. Et pourtant, la personne miskina, elle a eu la bonne niya. Elle a eu la bonne niya, mais elle n'a pas œuvré comme il le fallait. Et s'il est juste, dans le sens où c'est exactement conforme à la sunna, mais il n'a pas été pour Allah, il a été pour quelqu'un, hein, ou pour autre qu'Allah, pour un bien de la vie d'ici-bas, il ne sera pas accepté. Jusqu'à ce qu'il soit pur, intentionnellement, et aussi conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le pur, c'est-à-dire il doit être pur pour Allah, et il doit être conforme, c'est-à-dire à la sunna. Donc sawab, juste, c'est-à-dire à la sunna. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Kahf, verset 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et il dit subhanahu wa ta'ala, celui qui désire ou celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse. Donc qu'il commette de bonnes œuvres, qu'il commette des œuvres pieuses, et qu'il n'associe, hein, donc Allah, qu'il n'associe son Seigneur en rien dans ses adorations. Donc là on voit que celui qui... Donc là on voit dans ce verset, « Amalan salihan bima'na sawaban wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada khalisan. » On retrouve encore les deux conditions qu'on avait avant. « Sunna » pour Allah. Hein, donc pour Allah, sunna. Soit le Kahf, verset 110. Donc celui qui espère donc rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Fahada huwa al-amal al-maqbul alladhi la yaqbalu Allah min al-a'mal siwa. Wa huwa an yakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muradan bihi wajhullah. أو مرادا به وجه الله. Donc cet acte, bien sûr, c'est celle qui est acceptée. Donc l'acte qui est accepté, c'est celle dont Allah n'accepte pas autre. Allah accepte que ce qui est accepté, que ce qui est maqboul. Donc c'est-à-dire, donc, avec comme condition, être conforme à la sunna et aussi en quoi, en désirant la face d'Allah. Voilà. يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين الا بالعلم. Il n'est pas possible pour celui qui œuvre de quoi de donc devrait donc devrait que s'il a rassemblé donc ces deux conditions, hein, donc ces deux caractéristiques, sauf que par la science. Il ne pourra pas rassembler ces deux caractéristiques que s'il a de la science, s'il possède de la science. فانه ان لم يعمل ما جاء به رسوله لم يمكنه قصده. Car s'il ne car s'il ne connaît pas ce dont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il ne pourra pas bien sûr donc le faire, il ne pourra pas œuvrer comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il ne connaît pas son Seigneur, hein, c'est-à-dire celui qui mérite seul d'être adoré, il ne pourra pas, c'est-à-dire vouloir faire pour lui, il ne va pas se dire je fais ça pour la face d'Allah seul sans associé. On ne connaît Allah que par l'apprentissage des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le connaître, qu'il est seul dans sa seigneurie et qu'il est seul, c'est le seul qui mérite d'être adoré. فَلَوْلَا الْعِلْمُ لَمَا كَانَ عَمَلُهُ مَقْبُولًا فَالْعِلْمُ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُتَابَعَةِ. Et s'il n'y avait pas la science, donc son acte ne serait pas accepté. Et la science est une preuve de la sincérité et c'est aussi une preuve du suivi, du bon suivi, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit après, subhanahu wa ta'ala, dans le surat al-Maïda, verset 27, wa qala ta'ala, innama yatakabbaru Allah min al-muttaqin. Certes, Allah accepte de ceux qui craignent. Certes, Allah accepte de ceux qui craignent. Regardez, donc le résultat de l'acceptation par rapport au verset auparavant, c'est quoi? C'est la sincérité avec le suivi de la sunna. Et ces deux choses-là, elles vont faire de la personne un muttaqi, un pieux, quelqu'un qui craint. Tu ne seras pas quelqu'un qui craint si tu quoi, si tu n'es pas sincère et si tu ne suis pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le résultat. Tu feras partie des muttaqin. Wa ahsanu ma qila fi tafsir al-aya annahu innama yatakabbaru 'amala man ittaqahu fi dhalika al-'amal wa taqwahu fihi an yakuna liwajhihi à la muwafaqati amrihi wa hada innama yahsulu bil ilm. Et le meilleur tafsir que l'on retrouve par rapport à cela, la meilleure explication de ce verset, c'est que certes Allah accepte l'acte de celui qui le craint dans cet acte. Parce que la personne va craindre Allah dans cet acte. Et il va le craindre comment? Par le biais de quoi? De sa sincérité, de son désir de sa face, subhanahu wa ta'ala, tout en étant conforme à ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné. Et cela ne va pas être résulté que par la science. Wa idha kana hada manzil al-ilm mawqi'ahu 'ulima annahu ashrafu shay'in wa ajalluhu wa afdaluhu. Wallahu a'lam. Lorsqu'on voit bien sûr par rapport à cela, par rapport à ce qu'on a dit auparavant, donc la place de la science, hein, et on se rend compte de quoi, de l'honorabilité de cette science. Et comme quoi justement, donc, on voit que c'est la meilleure des choses. La science, c'est la meilleure des choses, parce que c'est elle qui va te ramener à la réussite. C'est la meilleure des choses, c'est la plus illustre, et bien sûr, celle qui a le plus de valeur. Wallahu a'lam. Walwajhu al-hadi wa sattoun. 61e point. Al-amalu bila ilm, kasiri bila dalil. La science, avant l'acte, sans science, est comme un voyage sans guide. Donc l'acte sans science est comme un voyage. Certes, c'est le voyage la nuit. Comme un voyage la nuit sans guide. Imaginez-vous sans lumière. Imaginez-vous dans un désert maintenant. Il n'y a rien qui prouve. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a rien. Donc tu vas te perdre. C'est la même chose. Celui qui va œuvrer donc sans science va être perdu. Anna al-amila bila ilmin kasa'ili bila dalil. Donc certes, l'acte, celui qui commet l'acte sans science est comme celui qui voyage la nuit sans preuve. sans chose qui va le guider. ومعلوم أن عطب مثل ما أقرب من سلامته. Et c'est clair que donc son égarement sera beaucoup plus sûr. Il va donc il y a beaucoup plus de chances qu'il va s'égarer que qu'il va pas s'égarer, que plutôt qu'il va retrouver la rein. Il y a beaucoup plus de chances qu'il s'égare, beaucoup plus de chances. وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود. Et imaginez-vous que si il a réussi, il est possible. Il va peut-être inventer, hein, il va dire là ça doit être comme ça, il va mettre un ceci, cela, il va œuvrer, il va peut-être avoir raison. Il va peut-être avoir raison. Admettons que s'il avait raison, bien sûr déjà premièrement ça sera rare, et non seulement ce qu'il a fait c'était pas bien, ça n'a pas été louable, parce qu'il ne fait pas partie des gens de science. Il n'avait pas le droit de faire un ijtihad de lui-même. Il ne devait pas inventer. Même s'il a eu raison. Hein, ça peut arriver dans des cas. Hein, je ne sais pas si je devais donner ou si je ne devais pas donner. J'ai donné. Et j'ai eu raison de donner parce que cette situation faisait que je devais donner. Mais je ne savais pas, je l'ai inventé. Eh bien, le fait que j'ai inventé, ou bien j'ai dit à quelqu'un m'a posé une question, j'ai donné le fatwa de ce que je crois. Alors, je ne connais pas en vérité, mais j'ai quand même répondu. Et j'ai eu raison dans ma réponse. Ce n'est pas Mahmoud. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait, c'est bien. C'est même Doum, hein, c'est Mahmoud. C'est le contraire. Donc, ce n'est pas louable. C'est réprimandé. Pourquoi ? Parce que j'ai fait quelque chose bila ilm. C'est le contraire avec les aïm al-ulama, les savants, al-mujtahidoun, minhum, lorsque eux, justement, guident les gens, hein, lorsqu'ils ont raison, ils ont deux récompenses. Et s'ils se trompent, parce que c'est un mujtahid, il a le droit à l'effort d'interprétation. Il a un ajr. Et toi, l'ignorant, si maintenant tu viens, tu guides quelqu'un, si tu as eu raison, donc tu n'auras pas une récompense, tu auras un péché. Parce que la péché, parce que tu as fait la fête-toi, même si tu as eu raison. Et si, alors en tant qu'ignorant, tu as fait la fête-toi et que tu as eu tort, tu auras deux péchés. Donc regardez, le contraire du savant. Tu auras le péché parce que tu as un jahil et tu auras le péché parce que tu l'as égaré. Tu auras double péché. Contrairement, donc ce hadith-là, tu le retournes, on appelle ça mefhum al-mukhalafa, le contre-exemple. C'est un contre-exemple par rapport à un alim. C'est un alim, lui il a le droit, il a fait l'effort. Le fait qu'il a appris et qu'il a donné sa vie à expliquer aux gens la science, lui, s'il se trompe, il y a quand même des hasad parce qu'on sait d'où il vient. On sait c'est quoi son passé, son cursus d'apprentissage. Il est passé chez les ulama, il est arrivé à un niveau, il peut se permettre. Contrairement à celui qui n'a pas ce niveau-là, qui passe toutes les étapes, alors que c'est interdit. Kana, donc, bel mezmoum عند العقلاء. C'est mezmoum عند العقلاء. Wa kana shaykh al-islam al-timiyya rahmallah yaqul man faraka ad-dalila dalla as-sabil. Regardez ce qu'il dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmallah. Celui qui se sépare de la preuve, donc s'égare du chemin. Celui qui se sépare de la preuve, s'égare du chemin. Voilà, dalila illa bima ja'a bihi rasoul. Il n'y a pas de preuve. Hein, il n'y a pas de preuve que ce dont est venu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-hasan. Al-amilu ala ghayri ilmi kasaliki ala ghayri tariq. Celui qui met en œuvre, celui qui commet des œuvres sans science, est comme celui qui voyage sans prendre le chemin. Tariq, il y a des chemins, alhamdoulilah, ils sont empruntés. On ne va pas commencer à prendre hein, au milieu des bois, au milieu du désert. On ne connaît pas. On ne connaît rien. C'est des chemins qui ne sont pas empruntés. Ils sont vierges. On ne va pas faire comme ça. وَلَعَامِلُوا عَلَى غَيْلِ عِلْمِ يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. Et aussi, celui qui met en œuvre sans science, donc va faire du mal, va causer du tort, plus qu'il va arranger les choses. فَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَدُرُّ بِالْعِبَادَةِ. Donc, apprenez la science, donc demandez ou bien recherchez la science d'une vraie recherche, mais ne causez pas de tort par l'adoration, hein, par cette adoration qui est sans science. وَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَدُرُّ بِالْعِلْمِ. Et aussi, donc, demandez quoi, bien sûr, l'adoration, sans que, bien sûr, c'est-à-dire, hein, sans faire du mal à la science, dans le sens où demander l'adoration en passant par cette science. فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَلَكُوا الْعِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc regardez. Car il y a des personnes qui ont demandé l'adoration. Et ils ont laissé la science jusqu'à ce qu'ils sortent avec leurs épées contre la communauté de Mohammed صلى الله عليه وسلم qui sont Al-Khawarij. Al-Khawarij sont ceux qui aimaient l'adoration. Ils aimaient l'adoration au point où hein, ils adoraient Allah des fois plus que les compagnons. Si tu voyais faire physiquement, c'était trop. Plus, sans arrêter. Des œuvres sans arrêt. mais simplement ça rentre pas dans leur cœur. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallam la tata jawazu hanajirahum. Elles ne dépassent pas leur gorge lorsqu'ils récitent le Coran. Bimana, c'est que de la voix. Ça ne rentre pas dans le cœur. Ça a pas été, ils n'ont pas été touchés. Ils ne comprennent pas. La yafhamuna. Donc ils ont laissé la science. Et après de ça, ils avaient l'ibada. Ça, c'est la vérité. Ils étaient. Ils rigolaient pas. Ce n'étaient pas des menteurs. C'était des gens sérieux. Mais simplement, ils étaient quoi? Bien sûr, c'était des gens qui sont sortis contre leur. C'est-à-dire contre leur communauté. C'est-à-dire contre la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles ont commis des péchés qui étaient bien au-dessus de ce qui, hein, bien sûr, de ce qui, c'est-à-dire des péchés qui étaient graves, d'où, justement, pourquoi? À cause de leur ignorance, à cause de leur mauvaise compréhension du Coran. Et ils utilisaient que le Coran, ils ne revenaient pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient surtout que le Coran et ils ne comprenaient pas. Donc ils prenaient le Coran et des fois ils faisaient ce qu'on appelle des contre-exemples, sans pitié, sans chercher à savoir s'ils avaient le droit de le faire. C'est pas tout verset qu'on peut faire un contre-exemple avec. Donc ils utilisaient parmi cela donc al-qiyas al-fasid mathalan et d'autres. Wala talabu al-ilma lam yadullahum 'ala ma fa'alu. Si ils avaient appris la science, ils avaient recherché la science, cette science ne leur aurait pas dirigé vers ce qu'ils font. Elle les aurait dirigés dans un autre chemin, celui de la vérité. Wal farqu bayna hadha al-wajh wa bayna ma qablahu an al-'ilma مرتبته في الوجه الأول مرتبته المتاع المتبوع المقتدي به المتبع نعم لحكمه المتاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية. Donc on voit que là par rapport à ce qu'on avait vu auparavant, la science qui était l'imam, donc là on voit que la science, donc c'est justement celle qui, le degré de la science c'est le premier degré. C'est celle, bien sûr, avec laquelle on va. C'est la science, on doit obéir à la science. Hein. On doit l'obéir et on doit suivre cette science. Comme, hein, c'est elle qui juge pour nous. Et comme se dit, donc, comme celui qui va, c'est-à-dire obéir à celui qui va, quoi, pour juger sur quelque chose. Et aussi, donc, ce degré, justement, est que, c'est-à-dire ce niveau, ou bien cette place, de la science, c'est justement la place de quoi? De la preuve. Celle qui va être le guide, la preuve qui va être le guide pour celui qui demande, hein, c'est-à-dire quoi, le chemin, pour celui qui va demander le chemin qui est son but, le chemin du paradis, le chemin de la réussite. Le chemin de la réussite, elle a besoin d'un guide. Elle est où le chemin de la réussite? Et où le chemin du paradis? Et l'ilm, c'est lui qui va te dire, c'est là-bas. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu prends un, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas arriver à quoi? Al-raya, au but pour lequel tu as été créé. El wajhu, el thani wa sittun. 62e point, al-hidayatu hiya al-ilm bil-haq. La guidée, c'est la science en toute vérité. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thabata fi as-sahih Muslim anhu annahu qala kana yaqul Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal-ard 'alim al-ghayb wash-shahada anta tahkumu bina 'ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Yahdini لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. Donc la guidée, c'est la science en toute vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc disait كان يقول, ça veut dire qu'il le disait souvent. Si on voit كان يقول بمعنى فيه مداومة, il y avait donc une continuité dans cette dua. Mon Seigneur, hein, donc mon Dieu, Seigneur de Djibril, de Michael, de Israfil, de Séraphil, donc déjà Seigneur des meilleurs anges, hein, Fatir as-samawati wal-ard, celui qui a créé, hein, celui qui a façonné, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il les a façonnés, Alim al-ghayb wash-shahada, connaisseur de l'invisible et de ce qui est voyant, toi tu juges entre ses serviteurs, hein, sur ce dont ils ont été en divergence. Guide-moi sur ce dont ils ont été en divergence avec la vérité par ta permission. Par ta permission. Certes, tu guides qui tu veux vers le droit chemin. Certes, tu guides qui tu veux vers le chemin droit. Donc, regardez, sallallahu alayhi wa sallam, un nabi, il demande à savoir où est la vérité. Comment dire maintenant, hein, de ce que les gens se divisent. Imaginez-vous, les gens se divisaient quand? Ils se divisaient. Donc, les compagnons se sont divisés sur certaines choses. hein, dans sa communauté, les gens qui étaient autour de lui, se divisent sur certaines choses. Et lui demande, alors imaginez-vous, maintenant, avec toutes les sectes qui existent, avec toutes les tendances qui existent, avec toutes les façons de penser qui existent, alors qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on devrait dire nous? Alors que là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous, on devrait dire? On devrait le dire encore plus que lui, parce qu'on en a encore plus besoin de cette guidée. Wa fi ba'd al-sunan, annahu kana yukabbiru takbiratan al-ihram, takbiratan al-ihram, fi salat al-layl, thumma yad'u bihada al-du'a. Et donc dans Sunan Abu Daoud, et Tirmidhi, et Nasa'i, et Ibn Majah, et les Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il disait Allahu Akbar, dans takbirat al-ihram, lorsqu'il était entré en prière, dans la prière de la nuit, et puis il disait cette du'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, fait salat al-layl, dans la prière de la nuit, regardez, il commençait par cette du'a. Imaginez-vous. Wal-hidayatu hiya al-ilm. La guidée, c'est la science. Bil-haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghayrihi. Tout en, bien sûr, en étant, en voulant, en demandant, en désirant la recherche de cette science, et en la faisant placer avant les autres sciences. Donc c'est pas les matchs de foot. C'est pas, hein, le regarder les matchs de foot. C'est pas, donc n'importe quelle œuvre, même penser qu'à être dans les supermarchés pour regarder tout ce qui est, c'est pas le commerce, c'est pas ça, c'est la science qui passe avant. Donc c'est pas le commerce, c'est pas quoi que ce soit, c'est quoi, c'est la science qui va passer avant. Itharuhu ala ghayrihi. Ithar, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est justement le fait de devancer quelque chose à d'autres choses, hein. Quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui pense plus aux gens qu'à lui. Donc toi, tu dois être altruiste dans le sens, ton altruisme, c'est pour la science. Donc ton altruisme, ça va être pour la science. فالمهتدي هو العامل بالحق والمريد له. Donc celui qui va être guidé, c'est celui qui œuvre en toute vérité et celui qui cherche après cette vérité. C'est celui qui veut cette vérité. هي أعظم نعمة لله على العبد. Et c'est la meilleure grâce, donc, de la part d'Allah envers son serviteur. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله الهداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, hein, nous ordonne de lui demander la guider vers la voie droite chaque jour et chaque nuit dans nos prières, dans nos cinq prières. Fa inna al-'abda muhtajun ila ma'rifati al-haqqi alladhi yurdi Allah bi kulli harakatin zahiratin wa batinatin. Car certes, le serviteur a besoin de la connaissance de la vérité qui va être donc le sabab, la cause de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose, dans tout déplacement, qu'il soit apparent ou caché, dans toute chose, dans toute chose. Ton amour d'Allah qui est dans ton cœur, il faut qu'il soit véridique et sincère. Donc ça, c'est toutes ces harakas, toutes ces gestes qui vont être cachés. Fa'idha est aussi, bien sûr, caché, des fois même aux yeux des gens. Il est possible que toi, tu vas te lever la nuit, personne ne va te voir, mathalan. Donc tu auras fait des œuvres qui sont cachées. Tu auras donné peut-être aussi sadaqa. Donc non seulement caché, non seulement celle qui cache auprès des gens, mais même caché, c'est-à-dire intérieurement. Tu vas peut-être faire une sadaqa, et les gens ne savent pas que ça vient de toi. Tu vas jeûner, tu ne l'auras pas dit aux gens, mathalan. Fa'ida arafaha fahwa muhtajun ila man yulhimuhu qaz al-haq fayaj'alu iradatahu fi qalbihi thumma ila man yuqaddiruhu ala fi'lihi. Et si la personne, hein, donc, a besoin, donc la connaît, donc il aura besoin à ce moment-là de quoi? S'il connaît la vérité, à ce moment-là, il aura besoin de ce qui va le, bien sûr, il va falloir quelque chose qui va le pousser à quoi, hein, qui va lui donner l'envie, hein, qui va l'insuffler à vouloir la vérité. Donc, et ça vient de son cœur. Donc, il va faire que sa volonté, elle est dans son cœur, et puis après, bien sûr, il va œuvrer comme il le peut. Donc, il faut quelque chose qui, il faut justement. Hein, justement, ce qui va insuffler, ce qui va te pousser à faire ça, c'est justement ce qui est ancré dans ton cœur. Wa ma'lumun anna ma yaj'aluhu al-'abdu adhafu adhafi ma ya'mal ya'lamuhu wa anna kulla ma ya'lamuhu annahu haqqun la tutawi'uhu nafsuhu 'ala iradatihi fa'ula iradatuhu la'ajaza 'an kathirin minhu fa huwa muttarrun kulla waqtin ila hidayatin tata'allaqu bil madi. Il est connu que, donc, que la personne, hein, qu'en général la personne ignore beaucoup plus, hein, que la personne en général ignore beaucoup plus que ce qu'il connaît par rapport à toute la religion. Hein. Et que si tout ce qu'il connaît ne le pousse pas, son être ne le pousse pas à quoi? À le vouloir. Il va connaître des choses, mais il ne va pas être poussé à vouloir faire ça. Donc si, bien sûr. Et que s'il avait, et qu'il sache aussi la personne que s'il n'avait pas cette volonté, beaucoup de choses est délaissée. Que la personne sache que s'il n'avait pas beaucoup de volonté, il y a beaucoup de choses qui délaisseraient. Et c'est pour ça que la personne a besoin en tout temps, hein, pour montrer qu'on connaît peu par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Hein, par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'on ne connaît pas, c'est nombreux. Imaginez-vous, 1 million de hadiths ou plus. Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à 1 million? Coran par cœur. Ou on connaît le Coran par cœur, ou bien une bonne partie, ou bien même qu'est-ce qu'on connaît par rapport au Coran? Les histoires de salaf, des aqwal, des hikam, des règles. Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à toutes les règles? Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à toutes les matières qui existent? Hein? Donc, la personne a besoin, à chaque temps, à chaque moment, de quoi? De la guider, qui est donc la guider qui a rapport avec ce qui est passé, ce qui est donc actuel et ce qui est aussi dans l'avenir. Wa amma al-madi fa huwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alayhi. Donc qu'est-ce que cela veut dire par rapport au passé? C'est que la personne a besoin de se remettre en question, hein, sur ce qu'il a fait auparavant. Wa hal waqa'a ala as-sadadi? Est-ce que il a été donc juste, est-ce qu'il a été donc dans le, c'est-à-dire est-ce que ce qu'il a fait c'était bien et c'était juste? Fa yashkuru Allah alayhi, hein? Donc il va remercier Yashkurullah, il va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait dans le passé, et il va continuer. Hein? Et il va bien sûr, donc il faut qu'il continue. Am kharaja fihi anil haqqi fayatuba ila Allah ta'ala minhu. Ou bien est-ce qu'il aurait, c'est-à-dire il serait sorti de la vérité et il doit revenir vers Allah, donc c'est par rapport au passé. Si c'est bien, alhamdulillah, tu remercies Allah et tu continues comme ça. Si c'était moi ce que tu as fait, reviens vers Allah, donc repends-toi auprès d'Allah. Et il va demander pardon à Allah, et il faut qu'il ait la ferme conviction, donc il faut qu'il ait le désir qui est fort de ne pas revenir sur ce qu'il a fait. Ça, c'est parmi les choses de Tawba. Là, on a affaire justement aux choses de Tawba. Et en ce qui concerne la guider dans le cas actuel, فهي مطلوبة منه. Elle lui est demandée. فإنه ابن وقته. Car il est donc la personne de son temps. C'est ton temps qui fait que tu vas œuvrer. Si tu dis plus tard, Allah alem si tu vas œuvrer. Donc tu dois œuvrer. Chaque temps, tu ne dois pas le laisser passer et penser à ce qui va venir plus tard. Mais fais-le. Mais œuvre dès que tu as le temps. فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال. Donc au moment actuel, qu'est-ce que tu as besoin? Réfléchis. Si tu réfléchissais dans tout ce qu'il y a comme sujet religieux, tu vas dire, subhanallah, je ne connais pas. Est-ce que maintenant, je prie, c'est un exemple, je prie la prière du mort. Je suis arrivé en retard de Tekbirat. Comment je fais? C'est un exemple. Comment je fais? Est-ce que quand les mêmes terminent, je termine ou bien je termine tout seul? Est-ce que c'est le même principe que la prière ou pas? C'est un exemple. Bien sûr, la personne, elle va continuer, tout team. Elle va continuer les deux autres tout seul. C'est un exemple. Mais combien de gens ne le savent pas, peut-être? Combien de gens ne savent pas, quand est-ce qu'on reconnaît chez les femmes les menstrues, hein, ou bien du mauvais sang? Et comment je fais? Est-ce que c'est le même principe pour la prière? Les menstrues, je ne prie pas. Mais le mauvais sang, comment je fais? Est-ce que je prie? Est-ce que je ne prie pas? Donc le mauvais sang, non. La personne va faire ses ablutions juste avant, hein, juste avant maintenant sa prière. Elle va se purifier, elle va se nettoyer, elle va faire la prière toute seule. Ça ne demande pas un roussoul. Et d'autres. Safa et Marwa, 7 tours. C'est quoi? C'est 7 saf, c'est de Safa à Safa qui a un tour, ou bien c'est que de Safa à Marwa? Combien de gens ne savaient pas? Ils ont fait 14. Leur convertie, c'est 7 parcours. On commence par Safa, on termine par Marwa. Et encore, et d'autres encore. On peut continuer comme ça sans arrêter. Les gens qui rompent le jeûne, hein, des fois, lorsqu'ils voient le imsek, dans les calendriers du mois du Ramadan, l'imsek est une heure avant, 45 minutes avant. Donc ils font l'imsek, s'ils voient qu'imsek c'est krias, la salat subha est à 6h du matin, et l'imsek est à 5h, ou là 5h10, si 5h12 la personne ne mange plus, elle croit que c'est haram, alors que non, là ils ont mis, à la rigueur, l'imsek, ou bien lorsqu'il y avait l'aden, avant, justement lorsqu'il y avait l'aden ou quoi, au moment du subha qui était presque une heure avant, ou une heure avant la salat du subha, c'est afin que les gens se réveillent, prient le witr, et aussi, ils avaient dormi, comme ça ils pouvaient prier le witr, et ils pouvaient aussi terminer, c'est-à-dire manger quelque chose avant de pouvoir prier soup. Et on sait que l'imsek, c'est au moment de l'aden, le vrai aden. Ça, c'est des exemples. Donc, les gens ont besoin de savoir ça. Et ça, c'est ça le hell, c'est ça le cas. Le cas présent, c'est que tu te dis, tel sujet, je ne connais pas, il faut que je recherche après. Tu en auras besoin. Amma al-mustaqbil, et ce qui a attrait à l'avenir, fahajatuhu fi ila al-hidayati azhar. Donc son besoin vers la guidée, bien sûr, est plus voyant. C'est liyakuna sayruhu ala tariq. C'est afin que, pour l'avenir, il sera justement dans la voie droite. Donc il a besoin de savoir ce qu'il faisait au passé, afin de savoir est-ce que j'étais dans la bonne voie, je continue comme ça. Dans le présent, j'ai déjà des bases, alhamdoulilah, j'ai déjà des bases solides, ou j'ai déjà de la science, mais ma science n'est pas suffisante, j'ai encore besoin d'autres, j'ai besoin de savoir ceci, j'ai besoin de savoir cela, donc je vais rechercher cette science, et pour l'avenir, c'est de savoir, afin de ne pas tomber, hein, de continuer justement, de savoir est-ce que vraiment, pour mon avenir, ce que je fais, c'est bon. Et loin, je vous ai fait cette toune, 63e point, al-ilmu hayatul qalbi wa ruh. La science, c'est la vie du cœur et de l'âme. Anna fadilat ash-shay'in wa sharafahu yadhharu taratan min umumi manfa'atihi wa taratan min shiddati al-hajati ilayhi wa adam al-istighna'i anhu wa taratan min dhuhur an-naqsi wa sharri bifaqdihi wa taratan min husul al-ladhdhati sururi wal-bahjati biwujudihi likawnihi mahbuban mulaiman idrakuhu يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغاية نعم علته الغاية نعم الغائية عفوا الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب. Donc certes, donc cette parole, bien sûr, est de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dans Al-Ubudiyya, son livre qui s'appelle Al-Ubudiyya. Donc certes, la suprématie de quelque chose ou la haute valeur de quelque chose donc, et son honorabilité, elle va être montrée. Donc là, il va nous montrer comment nous, on va connaître. Regardez par là comment c'est important. Il fait le tefsir en vérité de ce qui est bien, de ce qui est bien. De temps en temps, on va connaître cette chose-là, elle va être voyante, elle va être perçue, hein, clairement par le fait qu'elle a un bénéfice. Min umum, hein, manfaati. On voit que cette chose-là, elle est bénéfique. D'accord ? Elle est bénéfique religieusement. D'accord ? Elle est bénéfique. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Et on va la connaître aussi par d'autres biais. Par le biais du fait que les gens en ont fortement besoin. Il suffit de prendre la salat, le meilleur exemple. La prière, elle apaise. La prière, hein, elle va recommander le bien, interdire le mal. Lorsque la prière, elle est bien comprise, elle est bien faite. Et que les gens, en vérité, une fois qu'ils ont goûté la prière, ils ne peuvent plus se passer. Adam istirna anhu. Ça, ils ne peuvent plus se passer de cette prière, maintenant. Et de temps en temps aussi, par le fait que si les personnes commencent à délaisser ces choses-là, ils sentent qu'il y a un manque, il y a un mal. Ils revoient. La foi, elle va faiblir. Donc c'est une preuve que quand tu faisais, c'était bien. C'est une preuve que cette chose-là, elle est bien. Ça, c'est une chose que c'est fardi là. C'est une preuve que cette chose, elle est fardi là. Et de temps en temps, c'est que lorsque la personne fait ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle ressent l'ezza, elle ressent un délice, elle ressent un contentement, elle ressent aussi donc une joie, ou donc dans le fait qu'elle fait ça. Les gens, regardez les gens quand ils vont au Hajj. Les gens quand ils vont au Hajj. Quoi qu'il se passe, c'est fatigant. Et le moment qu'il va marcher, il va être fatigué. Oh, je suis fatigué. Ça se peut qu'il va dire ça. Mais lorsqu'il va s'installer, lorsque ceci, lorsque cela, il va dire c'est bien. Il va rentrer chez lui, il va sortir, bi'idhnillah, s'il est normal, que les points positifs. Il y a ça, il oublie, hein, tous les points qui sont bien sûr négatifs. C'est haram de sortir les points négatifs. C'est interdit, c'est haram. Pas dans le sens où tu dis aux gens faites comme ça, faites pas comme ça, en fin de compte, pour leur conseiller ce qui est meilleur, des techniques, on va dire. Mais, oh, c'est trop énervant, c'est trop fatigant, c'est ça, là. Adam Indila, tu as fait une adoration qui demandait au président, là, elle était fatigante, tu le savais à l'avance. Et si tu dis ça, fais attention que ton œuvre ne disparaisse pas, ou voir ton œuvre va diminuer. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut remercier Allah. Et Allah il a demandé de remercier dans le Hajj. Hein? La personne, elle doit remercier Allah que Allah l'a guidé pour le Hajj. Et ça, c'est alamat al-shukr, c'est justement l'ibad. C'est le fait d'adorer. Donc, c'est comme si une adoration qui est importante, les gens, ils font attention. Donc, quand les gens, ils sont, ou bien, même quand les gens, ils prient, qui aiment bien prier, Tarawih, ils ont prié Tarawih, ils se sentent bien. C'est un exemple. Donc, on voit, justement, que les gens, ils sont super contents, ils sont joyeux, la khali. L'ikonehi mahbouban moula iman. Donc c'est quelque chose qui est aimé chez lui. Et quoi? Donc, Donc justement, donc il va quoi? Il va après, il va qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir après cette adoration, donc justement, cette joie, ce délice. Il va avoir ce délice. Qui est quoi en vérité le délice de la foi? Halawatul iman, c'est le délice de la foi. Et aussi de temps en temps, donc il va retrouver aussi, donc il va monter en foi. Donc la chose qu'il va faire, elle va être quoi? Il va avoir un haut degré. Il va monter en degré justement par hein, en faisant cela parce que justement il aura cherché à quoi? À avoir ce qui est meilleur. Et ça, c'est pour montrer que la science, elle est meilleure. Tu cherches la science, de toute façon, les meilleurs des musulmans, lorsqu'on parle des meilleurs musulmans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que n'importe quel abid, quel adorateur est meilleur que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah à son époque? Ben, si oui, citez-moi les noms. Ils sont pas connus. Ya'budullah, il est bien, mashallah, ça sera la manfa'a est pour lui. Les ulama, regardez, même ceux qui viennent après, 100, 1000, 10 000, des millions, hein, ils profitent de lui, et lui, c'est que des hasanat derrière. Donc l'abid a profité que pour lui-même. C'est un bien sûr, le serviteur, l'adorateur, qui adore comme il le faut. Mais celui qui avait cette science-là, ce savant-là, c'est encore meilleur. Donc d'où quoi? Donc la suprématie des gens de science, c'est par le fait qu'ils ont de la science. C'est pas par le fait d'autre chose. C'est pas par de l'argent. C'est pas par autre chose. Hein, c'est pas parce que c'est des bons conteurs d'histoire, mais c'est parce qu'ils ont de la science qui ramène à la guider des gens. Wahada, wahadi. الأجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه. Donc, c'est-à-dire cette facette, parce qu'on voit qu'il y a 130 facettes pour parler des bienfaits de la science par rapport à ce livre. Donc, cette facette-là et autres, donc sa naissance hein, et sa venue, c'est-à-dire le fait qu'elle va être vue, donc elle va apparaître, son apparition sera montrée, vient de où? De ce qui est accroché avec. C'est-à-dire, on a parlé de tout ce qui est bien. C'est quoi son but? Mutaalliqihi, là, parce qu'on a parlé des actes, qui proviennent de la science, qui ont un lien. Mutaalliqihi, ça, c'est accroché, c'est lié avec quoi? Avec l'ilm. Fa'ida kana fi nafsihi kamalan, kamalan wa sharafan bi qadhi nazari an mutaalliqatihi, nam, jam'a jihati sharafi wal fadli fi nafsihi wa mutaalliqatihi. Wa ma'lumun anna hadhi al jihat بأصلها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدها فقد حياة الجسم أما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غناء للعبد عنه طرفه عين نعم عفوا طرفة عين طرفة عين ولهذا فإذا فقد من شخص أو من الشخص كان شرا من الحمير بل كان شرا من الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حينئذ. Donc, là c'est pour montrer, hein, donc y a un lien avec cette science pour montrer justement toujours l'importance de la science. Et là, on voit que tout ce qu'on a vu, toutes ces façons de hein, tous ces points-là, le fait d'être heureux, le fait que cela est bénéfique, hein, le fait que on en a besoin, tout ça revient à la science. Il y a plein de façons, hein, tous ces points-là, ils reviennent à la science. Donc, pour montrer que la science, c'est justement ce qui est général, c'est ce qui va englober toutes ces choses-là. Elle va englober toutes ces choses-là, et la science a quoi comme va être plus profitable que toute chose. La science est plus profitable que toute chose. Et en plus, c'est elle qui, non seulement la science, c'est quelque chose qui est énorme, elle a plus, donc c'est plus profitable, non seulement par rapport au temps, et même par rapport aux chiffres, par rapport au nombre du profit. Il y a plus de profit en tant que quantité, et aussi, c'est plus long. Le profit est quoi? Donc, est durable, par rapport à la durée. Et toujours le besoin de cette science, et bien sûr, au-dessus du besoin de la nourriture, et cette science est encore même plus demandée que quoi? Que la respiration en elle-même. Car c'est justement, hein, donc c'est justement le quoi? Donc le parce que celui qui va perdre hein, maintenant cette nourriture, celui qui ne va pas manger, va perdre son corps, il va mourir maintenant. Imaginez, il va mourir. Il va dépérir petit à petit jusqu'à ce qu'il va mourir. Tandis que celui qui perd la science, celui qui n'a pas de science, va perdre la vie du cœur et de l'âme, la vie du cœur et de l'âme. Et alors que la science, la personne ne peut pas s'en passer, ne serait-ce que le clignement d'un œil. Et c'est pour ça que si la personne perd cette science, sera pire que l'âne, sera pire que les pires des bestiaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus vil et plus honteux, donc plus vil, plus honteux, plus, imaginez-vous tous les adjectifs que vous pouvez donner qui sont justement dans ce qui est mal par rapport à cela. وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه. Et le fait de recevoir ce fruit, hein, ce délice, cette joie dans le fait que cette science existe, le fait que cette science est là, car pourquoi? Parce que la science, elle est complète en elle-même. Alors, min indillah, Allah a descendu une science complète pour l'homme, bien sûr. Elle n'est pas complète par rapport à Allah. Allah, il connaît plus que ce qu'il y a encore des sciences. Hein? D'accord? Il y a encore d'autres. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des noms à attribuer d'Allah que Allah les a gardés. Qu'ils ne sont pas, que personne de ces créatures connaissent. Mais elle est complète pour tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Donc elle est complète pour nous. Elle est complète. L'islam, c'est complet. Il n'y a rien. Hein? C'est kamil. Donc pour tout ce que l'homme a besoin sur cette terre. Wahwa mula'imun ghayat al-mula'ama lin-nufus. فإن الجهل مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه الإيلام شنو الملائمة باللغة الفرنسية ما تفضل يعني Non, c'est pas comme ça. Donc, hein, c'est pas loin ça. Non. Donc, l'âme, c'est ça. Donc, non, c'est pas ça. Donc, c'est en fin de compte, c'est quelque chose qui est. C'est pas ça. Donc, c'est quelque chose qui est en fin de compte le plus. Donc, le plus, comment dire. C'est quelque chose dont le nefs a plus besoin. C'est quelque chose qui est plus, en vérité, comment dire. Demandé. Quelque chose qu'on en a vraiment plus besoin dans le nefs. Car certes, l'ignorance, donc c'est une maladie, c'est un manquement, hein, c'est aussi donc ce qui fait le plus mal. Hein, c'est ce qui va être le plus mal et le plus, c'est ce qui va faire, hein, c'est ce qui va le faire, c'est ce qui va le plus détruire la personne. C'est le plus grand tort, la plus grande tort que la personne en fait, elle peut se causer en elle-même, c'est l'ignorance, hein, pour le nefs. Et la personne ne va pas ressentir. Hein, si la personne ne ressent pas justement ce mal, hein, dans le même, donc elle aura en fin de compte automatiquement perdu les sens. De quoi? C'est-à-dire elle aura perdu tous ses sens. Maintenant, si la personne ignorante ne sait pas que l'ignorance c'est pas grave, alors qu'à un moment l'ignorant il ressent, il dit que, hein, que normalement il sait que l'ignorance c'est grave. Et la personne qui ne ressent pas que l'ignorance c'est grave, c'est comme si en fin de compte il a perdu ce sens. C'est-à-dire c'est comme s'il était mort, il a perdu ses sens. فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه. Donc le fait de recevoir le fait d'accaparer, le fait d'avoir cette science, là, donc pour le nefs, pour l'âme, pour le fort intérieur, donc la personne a quoi? Justement à. Donc elle va, comment dire, son nefs, donc c'est, comment dire, donc c'est le fait de, lorsque le nefs a reçu cette science, lorsque le nefs a reçu cette science, c'est en fin de compte, lui, la personne va reconnaître, le nefs va reconnaître qu'il a eu ce qu'il y a de meilleur, hein, qu'il va aimer, c'est ce qu'il va, le nefs, ce qu'il préfère le plus, en fin de compte, ce qu'il aime le plus, c'est quoi? C'est le ilm, en résumé. Hein? Et aussi, le nefs, quoi? Et il est content parce qu'il a quoi? Il s'est allié. Donc il y a un lien maintenant entre le nefs, l'âme, le fort intérieur et la science. Il y a un lien. Hein? Et ça, c'est le but, c'est le summum. Hein? Donc c'est le summum de quoi? De ce délice et de cette joie. Car, bien sûr, c'est selon ce qu'il a reçu. Donc ce qu'il a reçu comme science. Donc plus la personne recevra de la science, et plus la personne sera heureuse. Et plus la personne recevra la science qui est profitable, hein, en commençant par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'elle meilleure, donc la personne aura justement ça. Et la personne donc aime, Et plus la personne va l'aimer, l'âme va aimer ça et va se rapprocher de cette science. L'âme va être demandeuse. Après, c'est roh. L'âme, elle sera demandeuse de cette science. Une fois que la personne a goûté la science, il veut rajouter. Il veut avoir plus de science. Wal-ulumu wal-ma'lumatu mutafawitatun yani fi dhalika a'dama at-tafawutin wa abyanahu fa laysa 'ilmu an-nufusi bi fatirha wa bari'iha wa ومبدعها نعم ومحبته وتقرب إليه بعلمها كطبيعة أحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين الوجه الثاني التالي. Donc c'est clair que la science, les sciences sont différentes. Les sciences vont être différentes. Et voir la différence, elle peut être énorme. Donc la science que ça a l'air du d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui a tout façonné, celui qui a tout éduqué, donc celui qui a tout créé, bien sûr, en ce moment-là, ça sera, hein, ça ne va pas être, donc la personne n'aura pas, ça ne sera pas même le niveau, hein, que celui qui aura appris l'essence de la nature. C'est un exemple. Le fait de connaître Allah, c'est plus important que le fait de connaître la nature en elle-même. Ça, le fait de connaître, hein, imaginez-vous quelqu'un spécial, un volcanologue, même si c'est profitable ce qu'il fait, même si c'est profitable de ce qu'il apprend, c'est pas du niveau de la science de connaître Allah, ses noms, ses attributs, ce qu'il fait et ce qu'il ordonne. El Wajou. Donc on va s'arrêter là parce que c'est l'heure de la prière. Barakallahu fikoum. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, donc après cela. Donc le cours d'après, donc il sera sur le repas de la Sunna. Hein, donc le cours il va être sur le repas de la Sunna.